Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le récit d'un homme vaillant, dont le nom était Er, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il se trouve qu'il mourut au combat. 10 jours avaient passé quand on vint ramasser les cadavres putréfiés, mais quand on le releva, lui, il était bien conservé. On le porta chez les siens pour les funérailles, mais le 12e jour, alors qu'on l'avait placé sur le bûcher funéraire, il revint à la vie. Et une fois revenu à la vie, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt détaché de lui, son âme s'était mise en chemin en compagnie de plusieurs autres. Elles étaient parvenues dans un endroit prodigieux où il y avait dans la terre 2 ouvertures contiguës et dans les hauteurs du ciel 2 autres ouvertures situées juste en face. Des juges siégeaient dans l'espace intermédiaire de ces ouvertures. Ceux-ci, quand ils avaient prononcé leur jugement, ordonnait aux justes de prendre le chemin qui, vers la droite, montait pour entrer au ciel. Aux injustes, ils ordonnaient de prendre le chemin qui, vers la gauche, va vers la région inférieure. Comme il s'approchait à son tour, on lui dit qu'il lui fallait devenir le messager auprès des hommes de ce qui se passait dans ce lieu. Et les juges lui prescrivirent d'écouter et d'observer tout ce qui se passait à cet endroit. I hear when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. I hear when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Well, if it's so, I don't want to be a monkey, a goat, a sheep, a mule, or donkey. My brother say that he will come back a hog, not Harry, I think I'll be a bed bug. Et oui, un point commun entre Harry Belafonte et Platon, c'est la réincarnation. Bonjour Anne Mercker. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Que se passe-t-il après la mort? Que nous raconterait quelqu'un qui serait mort et qui reviendrait parmi nous? C'est presque un fantasme, mais c'est une des questions à laquelle répond Platon dans ce mythe. Oui, il y répond, mais justement sous la forme du mythe. Pourquoi justement? C'est une restriction. Tout l'intérêt du mythe, c'est qu'on n'est pas obligé d'y croire. Et je crois qu'il faut jamais oublier ça, qu'il y a à la fois beaucoup de sérieux dans les intentions platoniciennes, mais en même temps toujours beaucoup de distance. Et les mythes lui permettent notamment de faire raconter des histoires. J'aime beaucoup votre petite musique, parce que tout en racontant une histoire sur quelque chose qui est relativement dramatique et sérieux, puisqu'il s'agit quand même de la mort, et de ce qui pourrait arriver aux âmes après avoir quitté ce corps, je crois qu'on doit aussi être sensible à une certaine forme de distance un peu amusée ou humoristique que peut mettre Platon par endroit. Et je m'explique, c'est peut-être une entrée en matière qui vous surprendra, mais il nous fait un récit comme ça, ces petites âmes, puisque Er n'est pas mort tout seul, hein, c'est un soldat, donc il est mort sur le champ de bataille, et bon, les champs de bataille, surtout dans l'Antiquité, ça faisait des morts à l'appel, si je puis dire, donc c'est vraiment un petit convoi, voilà, il faut imaginer un petit convoi des âmes, et Platon se met à nous raconter comment toutes ces petites âmes, finalement, les unes vont être jugés et vont descendre sous terre pour être punis et subir des choses horribles. Les autres vont aller dans le ciel. Ils nous racontent pas, mais c'est là que c'est le mieux. C'est ce qu'ils nous racontent pas, justement. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ils nous parlent des âmes finalement comme si c'était encore des petits personnages avec des corps, alors que précisément, elles ont quitté leur corps. Mmh. C'est la définition de la mort dans le Phédon. Qu'est-ce que la mort? Ça n'est rien d'autre que la séparation de l'âme et du corps, l'âme partant du corps. Et finalement, la mort arrive au composé des deux. La mort n'arrive pas à l'âme elle-même. D'une certaine manière, la mort ne concerne pas l'âme, si je puis dire. En tout cas, l'âme est immortelle et c'est une autre vie, c'est une autre phase de sa vie. Et très curieusement, dans ce genre de mythe, on a la même chose dans le Gorgias. On nous raconte que les âmes, une fois qu'elles sont jugées, on leur met une petite pancarte. Alors on leur met la pancarte derrière si elles ont fait des mauvaises choses et qu'elles partent en pénitence sous terre. On leur met une petite pancarte, hein, des séméia en grec, une petite pancarte sur le devant si elles ont fait quelque chose de bien et elles vont dans le ciel. Et puis après, une fois qu'elles reviennent, chacune a payé ou a reçu, elles s'ébattent un peu dans la plaine, elles campent. Hein, oui, alors ça on verra plus tard, elles campent, elles font la fête, une fête civique, hein, et donc il y a évidemment une dimension, on va y revenir, un petit peu plus sérieuse, hein, à tout ça, mais je tiens vraiment à dire, bon, Platon est un écrivain, il faut faire très attention au sens de ce terme, hein, ne pas projeter sur l'Antiquité des catégories d'écrivains qui seraient plus les nôtres. C'est-à-dire ? Mais ben, notamment l'écriture dans l'Antiquité a toujours une destination orale et c'est un spectacle sonore. Et je suis aussi très frappée dans ce mythe sur le fait que sans cesse il y a des spectacles que R a vu. D'ailleurs dans la citation que vous avez lue, il doit y avoir le verbe voir. En grec, il y a sans cesse théamata. Hein, il revint à la vie et une fois revenu à la vie, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Voilà. C'est la première phrase. Donc il y a toujours les théamata, les spectacles, ce qu'il a vu, il va témoigner de ce qu'il a vu. Et en même temps, dans l'écriture, Platon se fait un grand plaisir justement à construire par les mots des tableaux. Des tableaux, et ces tableaux sont imités avec des mots, hein, c'est le mot qui a le mot, le logos, la parole, qui a aussi une dimension sonore, et on peut le montrer, on va pas le faire ici, c'est un peu délicat, puis il faut prendre le texte grec, mais Platon a un travail de la sonorité de la langue qui est très, très poussé, très pointu, et il faut jamais oublier qu'il y a, dans les mythes, dans toute écriture antique de toute façon, même chez Platon qui peut critiquer le plaisir auditif, etc., il y a toujours cette dimension de spectacle, d'audition, de plaisir qui est pris, et notamment à la narration d'un mythe. Et avouez tout de même qu'après les 600 pages, je dis 600 oui, pages... Oui, parce que le texte se trouve à la fin de la République, qui est un pavé. 600 pages, c'est les pages chez Stephanus, l'édition de référence. 600 pages quand même d'argumentation extrêmement serrée, là aussi assez formidable. Je trouve qu'on a le droit à un petit mythe à la fin. Bon, voilà. Comme une récompense, comme un bonbon digestif. Platon s'amuse dans ce mythe et on y prend beaucoup de plaisir. Et vous allez nous expliquer comment, Anne Mercaire. Vous êtes professeure de philosophie spécialisée en histoire de la philosophie ancienne à l'Université de Strasbourg, ancienne doyenne de cette faculté, directrice du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine, et vous avez publié quelques ouvrages sur Platon et sur Aristote. Hein, sur Aristote, une philosophie pour la vie, c'était l'an dernier. Chez Platon, une morale pour les mortels. C'était l'éthique de Platon et d'Aristote également. On mettra toutes les références en ligne. Mais ceci pour dire que vous avez travaillé sur Platon quasiment toute votre vie. Vous avez fait votre thèse sur la vision, notamment chez Platon. Où s'inscrit ce mythe dans votre amour pour Platon ? Ah, la question est délicate parce que je crois que j'aime toutes les pages de Platon quasiment, donc je n'aurais pas dit que ce mythe particulièrement était ce qui retenait mon attention parce que justement il y a un peu cette dimension, je vais revenir à des choses un peu plus sérieuses. Il y a aussi cette dimension un peu religieuse et on n'est pas non plus obligé d'être attiré le plus par cet aspect-là de Platon. Mais je crois qu'il y a assez sérieusement, donc je reviens à un tout petit peu de gravité, assez sérieusement des convictions religieuses chez Platon, là aussi qu'il ne faut pas négliger. Ce qui l'empêche pas de s'amuser. Mais religieuse au sens antique du terme. Oui, au sens antique, mais religieuse au sens aussi, bon, il y a tout un héritage de l'orphisme. Qu'est-ce que c'est l'orphisme ? L'orphisme, on en trouve des traces dans le Gorgias, et c'est justement cette doctrine relativement secrète qui nous dit qui sait si vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pas vivre. Donc qui se représente une sorte d'inversion que d'ailleurs Platon va beaucoup pratiquer dans la philosophie. Hein. La philosophie est une sorte de vecteur d'inversion. La vie que nous menons dans le sensible, bah, c'est peut-être un oubli de l'âme qui s'oublie elle-même, qui s'enlise dans la corporéité. Il y a une très belle expression dans la République où il parle du bourbier barbare, le Borboros Barbaricos. Hein. Notez bien les allitérations que Platon a évidemment soignées. Et donc on peut le penser, on peut l'interpréter philosophiquement. Moi, j'ai aucun problème à défendre ce soma sema, hein, soma sema. Là aussi, au niveau sonore, c'est très parlant. Le corps est un tombeau. Et cette vie que nous menons dans le sensible, finalement, est une manière dont l'âme se perd elle-même dans ce qui n'est pas sa propre nourriture et dans son propre milieu, en quelque sorte, naturel. Et en mourant, je reviens à la définition de la mort, nous quittons le corps, non pas pour une mort de l'âme, mais précisément pour une nouvelle vie, une autre vie, et qui serait la vie véritable. Donc il y a cette orientation un peu secrète de l'orphisme que Platon réinterprète et qu'il fait à sa propre sauce, qu'il réinterprète aussi en termes de veille et de sommeil. Donc là aussi, Platon travaille beaucoup sur l'inversion. On pourra en reparler un petit peu plus tard quand on parlera du tyran, parce qu'on arrivera nécessairement à un moment au tyran. Votre personnage préféré de ce mythe, n'est-ce oui, pas? Oui, ça, je crois que c'est quand même le personnage préféré, en effet. Alors, quand même, il y a cette dimension religieuse, mais le texte, y compris sous cette forme de mythe, pose une question philosophique qui est en fait celle qui traverse la République, qui est de savoir comment définir la justice et si la justice est ou non atteignable ici-bas. Si on suit les âmes, si on suit le récit d'Ère, le pamphylien, qui raconte ce qu'il a vu dans l'au-delà, en fait, il propose une description très précise du cheminement des âmes qui, commençons par là, c'est la suite du texte, sont en fait divisées en deux. Celles qui ont bien agi au cours de leur vie vont aller vers le ciel, celles qui ont mal agi vont aller au contraire vers l'enfer avant de passer devant un jugement qui décidera, on verra les modalités, ça c'est absolument passionnant, si oui ou non ces âmes peuvent se réincarner et si oui, dans quel corps. Alors, elles toutes vont se réincarner, hein. Ça, normalement, toutes vont se réincarner. Mais vous avez raison, en fait, tout cela concerne l'affaire peut-être la plus sérieuse, qui est celle des plus sérieuses de la philosophie de Platon, c'est de savoir ce qu'il en est de la vertu relativement au bonheur, relativement au bien, mais c'est-à-dire au bien compris comme fin ultime qui va combler tous nos désirs, etc. Le bien au sens du bonheur. Et effectivement, toute la République se préoccupe de définir la justice, comme vous l'avez rappelé, mais de définir la justice pour en comprendre la puissance immanente, dans l'idée que l'être même d'une chose recèle une certaine puissance. Et donc toute la question, c'est de savoir comment se définit la justice, et est-ce que de manière immanente à sa propre nature, est-ce qu'elle a la puissance de rendre heureux? Et ce questionnement autour de la nature et de la puissance se fait en contraste avec la sophistique et justement en contraste avec la valorisation de la figure du tyran, puisque le tyran, on nous dit dans le Gorgias, le tyran, mais on nous le redit au début de la République, c'est celui qui est à la fois le plus injuste et le plus heureux, parce qu'il est le plus puissant. Il atteint le summum de puissance. Donc tout le travail platonicien, c'est de savoir est-ce que la justice par elle-même a la puissance par elle-même, indépendamment des dieux, donc indépendamment de la religion, de rendre heureux. La réponse dans la République est oui, argumentée. Mais ça ne suffit pas à Platon, et Platon ajoute, après cette argumentation qui est purement d'ordre logique, il va ajouter non seulement la question des rétributions qui viennent de l'extérieur de la justice, c'est-à-dire c'est pas la justice ma vertu par elle-même qui me rend heureuse, mais c'est la rétribution des humains, mais il ajoute aussi la rétribution des dieux. La rétribution post-mortem, et c'est là qu'arrive ce mythe. Ère déclara que l'essentiel était ceci, que pour toutes les injustices que chacune avait jamais commises envers quelqu'un, et pour toutes les personnes envers qui elle avait commis des injustices, pour tous ces méfaits pris un par un, elle avait à payer un châtiment, 10 fois autant dans chaque cas, un châtiment par centaines d'années, ce qui est bien la durée d'une vie humaine, de façon qu'elles aient à payer un paiement 10 fois plus grand que l'injustice commise. Ainsi, par exemple, si certaines avaient été coupables de la mort de plusieurs personnes, ou avaient trahi des cités ou des armées, ou avaient réduit des hommes en esclavage, ou avaient été coupables avec d'autres de quelque autre méfait, ils recevaient pour prix de chacun de ces actes des souffrances 10 fois plus intenses. Et si, inversement, ils avaient dispensé des actions bienfaisantes et s'étaient révélés justes et pieux, ils en recevaient le prix selon la même proportion. Quant à ceux qui étaient morts aussitôt nés ou qui n'avaient vécu que peu de temps, ils rapportaient à leur sujet d'autres choses qui ne méritent pas d'être mentionnées. Sommes-nous responsables de notre destin? C'est la question que nous posons ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie de la philosophe Anne Mercker. Et bon, la réponse se trouve peut-être dans le texte de Platon que nous examinons pour vous ce matin, le mythe d'Ère le Pamphylien, dont un extrait vient d'être lu par Georges Clès. Alors, c'est très clair, hein, là ici, c'est une histoire de rétribution, châtiment d'un côté, récompense de l'autre. La question qui se pose quand même, après ce que vous venez de dire, le but c'est peut-être le bonheur, et peut-être qu'il n'y a pas de bonheur sans justice, mais que reste-t-il d'une vie vertueuse, comme la qualité phare, si la vertu est jugée à l'aune des récompenses? En clair, agissons-nous vertueusement si on agit uniquement pour être récompensé après la mort? Alors, justement, c'est là qu'il faut bien voir que Platon se préoccupe d'avoir sans cesse une réponse vraiment complète et que sa grande argumentation, celle qui faisait 600 pages, dont je parlais déjà tout à l'heure, elle fait justement totalement abstraction des rémunérations externes, c'est-à-dire à la fois de la reconnaissance sociale qu'apporte la cité, la communauté humaine envers les gens qui sont honnêtes. Mais Platon, à un moment, tient quand même à dire, certes, la vertu nous rend heureux par elle-même, mais j'ajoute que en plus, c'est très agréable d'être vertueuse et cela rend d'autant plus heureuse et heureux. Et donc, c'est ça qu'il faut... Souvent, on dit, mais alors Platon, pourquoi est-ce qu'il passe d'un niveau argumentatif, purement philosophique, à un niveau mythique, ou alors à un autre type d'argumentation? Je crois que Platon a une pensée totale. C'est-à-dire, il essaye de ne rien laisser inexaminé, de ne rien laisser dans l'ombre. Et donc, le fait de dire être honnête dans la communauté humaine, eh ben, c'est agréable, parce que on a l'estime des autres, on est aimé par sa famille, par ses amis, on est honoré par la cité. Ça n'est absolument pas dire qu'il faut être vertueux pour ça. Parce que le philosophe qu'il est a déjà dit pendant 600 pages avant que la justice apportait intrinsèquement, par sa nature propre, indépendamment de tout secours extérieur, apportait le bonheur. Comment? Je vais le rappeler en un mot. La vertu, Platon montre qu'on peut l'aborder comme une harmonie. Ça consiste à ce que toutes les instances psychiques qui constituent l'âme humaine, à savoir tout le bouillonnement des appétits, mais aussi le bouillonnement des sentiments, de la colère, et enfin la rationalité qui est en nous, tout cela joue son propre rôle, et pas plus, et au bon endroit. Et donc, la partie qui est rationnelle, donc qui a une capacité de prévoyance, il est tout à fait logique que ce soit elle qui gouverne, parce que gouverner, c'est voir à l'avance. Les appétits, les impulsions, ça ne voit pas à l'avance. Donc, par définition, ça ne doit pas commander. C'est fondé dans la nature même d'un appétit que de ne pas être en capacité de commander. Et donc, la partie intermédiaire qui est les sentiments, la colère, la capacité d'éprouver de l'emportement, etc., elle joue un peu le rôle de tampon entre ce qu'il y a de plus rationnel et puis ce qu'il y a de moins rationnel, à savoir ses appétits, ses impulsions, etc. Et finalement, la justice, c'est quand chacun s'occupe de ses propres affaires. Tout simple, de manière très triviale. Et Platon reprend philosophiquement, ou plutôt il donne une version philosophique de cette trivialité, à savoir qu'il ne faut pas que l'âme humaine soit sens dessus dessous, mais simplement chaque chose à sa place. Et à ce moment-là, on atteint un état d'harmonie. Harmonie dit unité, unité dit aussi amitié avec soi-même. Ça tient pour la justice personnelle, pas pour la justice dite sociale. Exactement. Donc ça, on en a 600 pages comme ça, à peu près. Hein. Tout à fait, mais il y a d'autres choses aussi dans l'intervalle, hein, il faut bien le dire. Mais ces 600 pages ont quand même servi à atteindre cela. Mais ça n'empêche pas, il n'y a pas de raison, il ne faut pas se priver de dire qu'en plus, socialement, c'est agréable, c'est bénéfique, on est estimé. Et maintenant, Platon le fait aussi au niveau après la mort, au niveau des rétributions, encore une fois, qui sont rapportées par Platon sous la forme d'un mythe. Donc, encore une fois, ça n'est pas du même niveau que d'un logismos, d'un raisonnement rationnel. Le mythe, on n'est pas obligé d'y croire. Il n'apporte avec lui-même qu'une forme de vraisemblance. Mais, nous dit Socrate, ici, ou bien dans le Phédon, ou dans Gorgias, moi j'y crois, etc. Et puis, il vaut mieux y croire que de ne pas y croire, d'une certaine manière. Mais ça n'est pas déterminant. Mais qu'implique ce principe de récompense ici énoncé? Ça veut dire que l'âme pourrait racheter ses péchés après coup? qu'elle paye, enfin, c'est péché. Déjà, c'est un terme anachronique. Hein, oui, c'est péché. Bah, c'est faute. Hein, ouais. Effectivement, si vous mettez dans péché tout un appareil chrétien, ça va être difficile. Néanmoins, bon, avec la notion de faute, vous retombez sur vos pieds. Hein. Est-ce que c'est une manière pour Platon de rassurer les gens qui vivent ici-bas en se disant, bah, peut-être que vous pourrez vous racheter ensuite, ou est-ce que c'est une manière de dire que tout ne se joue pas là et que de toute façon, quels que soient nos efforts, nous ne parviendrons pas à être absolument justes? Je dirais plutôt que il prend en compte aussi les voies d'accès à l'âme de ses auditeurs, à l'âme de son public, hein, je préfère ça au terme de lecteur, et on remarque assez souvent que le mythe étant du côté du vraisemblable est plutôt aussi du côté de la persuasion. Donc, après tout, tous les moyens sont bons pour essayer de persuader du bien. Le raisonnement. C'est la voie philosophique la plus authentique, mais ce raisonnement, il pourrait même reposer sur des études extrêmement poussées de l'ordre du monde, qu'est-ce que c'est que l'harmonie, ce qui implique éventuellement même, et pas éventuellement, même certainement des considérations mathématiques. Tout le monde ne peut pas forcément aller jusqu'au bout de cela. Et donc il n'y a pas de raison, surtout quand on est un écrivain de génie comme Platon, de se priver, pourquoi se priver d'une autre modalité de la parole? Et cette modalité, elle est plus persuasive, on peut la rapprocher de la rhétorique, elle est parfois rapprochée de la rhétorique, et en tout cas, c'est une modalité de la narration, de l'image, du spectacle, encore une fois, qui est mis devant les yeux, et qui doit frapper. Mais qui dit quelque chose de plus, c'est pas simplement une mise en scène, c'est pas simplement un spectacle où les gens, dont le lecteur et Platon s'amusent. Et d'ailleurs, ce qu'il dit de plus, c'est vraiment déterminant, y compris pour la question philosophique, et qui reprend le titre de cette émission. Oui, c'est savoir, en réalité, est-ce qu'il y a une part de liberté au moment où l'âme va se réincarner dans le modèle de vie, pour reprendre l'expression de Platon, qu'elle va choisir. Alors là, je vous propose qu'on écoute la suite du texte, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez ahurissant et qu'on ne voit pas venir. Mm-mm. Ces âmes qui sont tellement personnalisées par Platon, personnifiées même, et qui se félicitent, qui se rendent compte, qui se racontent leur vie d'avant, eh bien, vont être mises dans une situation où, par une sorte de tirage au sort qui va être décrit, elles vont devoir choisir le modèle de vie dans lequel elles vont se réincarner. Âmes éphémères, voici le commencement d'un nouveau cycle qui, pour une race mortelle, sera porteur de mort. Ce n'est pas un démon qui vous tirera au sort, mais c'est vous qui choisirez un démon. Que le premier à être tiré au sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. De la vertu, personne n'est le maître, chacun, selon qu'il l'honorera ou la méprisera, en recevra une part plus ou moins grande. La responsabilité appartient à celui qui choisit. Le Dieu, quant à lui, n'est pas responsable. Sur ces mots, il jeta les sorts sur eux tous, et chacun ramassa celui qui était tombé près de lui, sauf Er, lui-même, à qui on ne le permit pas. Et quand chacun eut ramassé son sort, il sut clairement le rang qui lui était échu pour choisir. Après cela, il poursuivit en plaçant devant eux, étalés sur le sol, les modèles de vie. Le nombre en était de beaucoup supérieur à celui des âmes présentes. Il y en avait de toutes sortes. On y trouvait en effet les vies de tous les animaux et la totalité des existences humaines. On trouvait parmi les vies humaines des vies de tyrans, certaines dans leur entièreté, d'autres interrompues au milieu et s'achevant dans la pauvreté, l'exil, la mendicité. Il y avait aussi des vies d'hommes renommés, soit pour leur aspect physique, leur beauté ou leur force et leur combativité, soit pour leurs origines et les vertus de leurs ancêtres. Il y avait également des vies d'hommes obscurs à tous égards, et il en allait de même pour les vies de femmes. L'arrangement particulier de l'âme n'y figurait cependant pas, du fait que celle-ci allait nécessairement devenir différente selon le choix qu'elle ferait. « le sort des âmes au moment de leur réincarnation est donc livré entre les mains du tirage au sort, précisément, Anne Mercara. Peut-être dites-nous où nous en sommes là dans le texte, parce qu'on avait laissé R qui nous racontait le début. Là, en fait, il y a eu on a suivi les âmes selon une certaine trajectoire, elles ont rencontré d'autres personnages. Alors, les petites âmes, là, une fois qu'elles sont sorties de leur corps, elles ont été jugées. Celles qui ont été condamnées à payer pour des fautes sont parties pendant 1000 ans sous terre, faire tout un périple où elles ont vu des choses absolument abominables et elles ont subi des choses abominables, voire même de se faire écorcher vive, etc. Donc encore une fois, on se demande bien comment une âme qui n'a pas de corps peut être écorchée, mais vous voyez bien toute la part de fiction qu'il y a là-dessous. Et celles qui ont été jugées vertueuses sont parties dans le ciel pour voir des spectacles, contempler des spectacles délicieux dont Platon ne nous donne pas ici le détail. Il faut aller regarder un petit peu dans le Phèdre pour commencer à avoir une petite idée de la chose. Et une fois que toutes ces petites âmes ont fait chacune leur périple, les unes dans le ciel, les autres sous terre, elles reviennent à l'endroit d'où elles sont parties, elles se retrouvent, elles se racontent, elles sont contentes de se retrouver, elles se racontent plein de choses, etc. Et à ce moment-là, il va se passer tout un petit périple, sauf erreur de ma part, un petit périple qui va consister, alors on ne sait pas bien, Platon à la fois donne des précisions mais n'en donne pas assez, on peut supposer qu'elle vont quelque chose un peu au centre de l'univers, c'est-à-dire ce qui devrait coïncider au centre de la Terre, mais ça n'est pas dit comme cela. Et elles vont avoir elles vont contempler un lieu assez étrange, une sorte de colonne de lumière est censée traverser tout le ciel, c'est-à-dire tout le monde, y compris la Terre. Et au centre de cette colonne de lumière, donc elles vont s'approcher de ce centre, siège la nécessité personnifiée, donc une femme sur un trône. Une femme. Et voilà. Et sur les genoux de cette femme se trouve une quenouille, ça y est, le mot m'échappe. Un fuseau. Merci, voilà, un fuseau. Mais Platon lui-même fait des petits arrangements avec le vocabulaire technique, c'est pour ça que ça me pose toujours problème. Mais un fuseau, et le fuseau, comme on le sait, ça permet de filer, de former le fil. Hein, donc on va trouver ici une image, en fait, féminine et technique de la nécessité avec la notion du filage. Alors tout est très compliqué là au centre, je ne vais pas m'attarder sur le détail parce que c'est il y a une page assez étrange sur la description des cercles concentriques de la lumière. Voilà, parce qui n'est que pas sans rappeler la Divine Comédie qui viendra plus tard, hein, on voit une des sources, mais c'est vrai que c'est un texte assez énigmatique. Un texte assez complexe. Le fuseau, c'est un instrument qui doit tordre le fil, donc on le fait rouler sur les genoux, les femmes le faisaient rouler sur leurs genoux. Et comme si vous aviez une baguette que vous faites rouler, et le fil est attaché, il se tord, vous voyez, vous faites rouler. Et pour que ça roule mieux, eh ben, il y a une sorte de boule de peson qui est attaché. Voilà, le peson qui est attaché au fuseau pour avoir une sorte d'élan cinétique, quoi. Et alors Platon se met à nous décrire des trucs, mais alors terrifiant à re-raconter, donc je vais pas entrer dans les détails, mais comme ce pesant, cette boule est elle-même constituée un peu comme des petites poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, et ça représente, en fait, il y a des allusions astronomiques, hein, des allusions astronomiques qu'on va laisser de côté, mais qui sont importantes, hein, je ne le nie pas, mais on va les laisser de côté ici. Ce qui est un pourtant, c'est justement cette figure, cette personnification de la nécessité et ces trois filles qui sont les trois moires, Lachesis, Atropos et Clotho. Et Clotho, c'est la fileuse, en fait. Hein. Et Lachesis, ça fait allusion au tirage au sort. Et Atropos, c'est l'irrémédiable. C'est ce qui ne peut pas se... On ne peut plus revenir en arrière. Voilà, on ne peut plus retourner la chose. Et c'est sur les genoux de Lachesis, l'une des filles, que le proclamateur qu'on a entendu va prendre des sorts et les jeter aux âmes. Et il ne prend pas seulement les sorts, il prend aussi des modèles de vie. Alors donc, là, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire. Technique. Alors les sorts, c'est qu'on va on va tirer les modèles de vie au sort, et après il y a différents modèles de vie, vie vertueuse, vie méchante, animale aussi, j'imagine, qui vont être choisis. Donc tout en fonction du tirage au sort qui leur revient, ils vont être premier, deuxième, troisième sur la liste pour pouvoir choisir un des modèles de vie. Exactement. Et en fait, quand Platon s'amuse à faire des choses un peu compliquées, en général, il y a une raison. Simplement, cette raison, au lieu de nous la dire clairement, il l'habille hein, de manière mythique et par une mise en scène. Ce qui fait que nous en sommes réduits ensuite à de l'interprétation, laquelle est infinie, comme chacun sait. Donc ce n'est qu'une interprétation que je vais proposer ici. Je crois que cette complication sur laquelle je vais y revenir, que fait Platon, a un but qui est de souligner la complexité, l'entremêlement, de ce qu'il peut y avoir dans la responsabilité elle-même, ce qu'il peut y avoir de la part de la nécessité, de la part du hasard et de la part de ce qu'on appelle vraiment la responsabilité humaine, c'est-à-dire un geste, un choix qui est fait sur sa propre initiative. Parce que là, c'est un mélange entre le sort et le choix. Complètement, c'est un mélange. Le hasard et le choix. Alors, pour reprendre un tout petit peu dans l'ordre, je crois qu'en fait, la chose la plus claire, et c'est pour ça que je reviens en une minute sur l'aspect religieux de ce mythe, pour moi, la chose la plus claire, c'est de sortir la divinité de la responsabilité. C'est dit mot pour mot. La divinité n'est pas responsable, ça c'est net, c'est clair. En revanche, la responsabilité est à celui, à l'âme, à celle qui fera le choix, ça c'est nettement plus compliqué, malgré la manière dont le prophétesse, là, enfin le proclamateur, je crois, oui, proclamateur. Que traduit monsieur Leroux, ça c'est nettement plus compliqué. Donc en effet, je reprends dans l'ordre, si je peux reprendre un petit peu de manière méthodique, il y a deux moments. Tout était sur les genoux de la moire, et il y a deux moments, il y a d'abord des sorts qui portent simplement un numéro d'ordre, et ça c'est jeté par le prophétesse, c'est jeté sur les petites âmes. Donc chaque âme, là c'est le sort, c'est le hasard. Là on a la part de hasard, mais ça vient des genoux de la nécessité quand même, vous voyez déjà l'entremêlement. Et hasard et nécessité dans l'Antiquité, franchement, on a souvent du mal à départager les deux. Hein, c'est très difficile. Donc, chaque petite âme va avoir un numéro, par exemple numéro 1, ou alors numéro 10, numéro 30, numéro 200, 3000, etc. Ça va lui donner son rang, comme vous l'avez rappelé, pour aller ensuite, en se déplaçant cette fois elle-même, alors que les sorts lui sont jetés sur elle, hein, le prophétesse, le proclamateur, jette les sorts, donc là, ça nous est échu. Chaque âme se voit donner au hasard, comme ça, un numéro de tirage. En revanche, les modes de vie, qui sont beaucoup plus nombreux que le nombre d'âmes, sont posés par le proclamateur un peu plus loin, devant toutes les âmes. Et il va falloir que chaque âme fasse elle-même le mouvement d'aller chercher cette vie. Vous insistez là-dessus parce que ça veut dire que c'est un choix, c'est ça ? Mais oui, parce que, en tout cas, il faut comprendre le choix. Je n'aime pas tellement ce mot, je ne m'en cache pas, j'ai fait tout un livre pour le dire. Choix ? Oui, je n'aime pas tellement ce mot parce que En général ou comme traduction ? Non, comme traduction. Pas de problème avec le choix, sinon. Comme traduction, parce que on court toujours le risque de le remplir avec beaucoup de choses qui n'ont rien à y faire. Donc effectivement, il y a un choix parce qu'il y a plusieurs vies et l'âme, chaque âme, peut prendre telle ou telle vie et n'est pas contrainte. Voilà. Et elle en prend et elle laisse les autres. Donc c'est une situation de choix, il n'y a pas de doute. Néanmoins, la mise en scène que fait Platon nous montre sans aucune ambiguïté que, en définitive, ce choix, c'est une sélection. C'est-à-dire que l'âme est animée par le désir d'avoir quelque chose dont elle se représente, à tort ou à raison, que ça va être la meilleure des vies possibles, et elle va la prendre. Elle la cherche, des fois, si jamais elle la trouve pas, elle va la prendre. Je vais prendre le cas de Ulysse, qui est l'âme qui termine, qui vient faire son petit choix. Enfin, l'âme qui était l'âme d'Ulysse avant d'être l'âme, tout court, d'avoir quitté ce corps. Cette âme, donc, ayant été échaudée de sa vie passée, de héros, n'est-ce pas, chantée, célébrée par Homère, ce qui n'est pas rien, hein, tout de même, c'est quand même quelque chose d'avoir été célébrée par Homère, mais elle en a marre, elle trouve que c'est assez fatigant, et elle veut une vie de simple particulier. Et donc, elle cherche, et elle cherche longtemps. Elle la trouve, et elle la prend. Voilà. En fait, le choix, c'est ça. C'est l'âme qui désire quelque chose, qui cherche, qui trouve, et qui prend. Nous ne sommes pas... Voilà, c'est pas le choix du libre arbitre, l'âne de Buridan, qui sait pas s'il faut Exactement. Manger ou boire. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Et donc, là, on arrive vraiment au dur et au cœur de la question de la responsabilité. En quoi y a-t-il responsabilité? Il y a évidemment responsabilité au sens que c'est bien l'âme elle-même qui est animée d'un désir. Personne l'a contrainte, personne l'a poussée, etc. C'est elle qui y va et qui prend. Et qui prend ce qu'elle croit correspondre à son désir. Ce qu'elle croit correspondre à son désir. Mais toute la question, ben, c'est celle de la connaissance vraie de ce qui est vraiment désirable. Est-ce que quand l'âme, telle petite âme, désire une vie tyrannique, une vie de tyran, est-ce qu'elle ne se trompe pas? Et la première âme qui va faire son choix est précisément une âme qui se précipite sur la vie de tyran et qui ensuite découvre que ça n'était pas aussi désirable qu'elle le croyait. Le premier à s'avancer pour faire son choix choisit la plus extrême tyrannie. Dans sa folie, son avidité le conduisit à choisir la tyrannie sans prendre le soin d'en faire l'examen sous tous ses aspects. Il ne réalisa pas qu'au nombre des maux qui l'accompagnaient, il aurait pour destin de manger ses propres enfants. Quand il put prendre le temps de l'examiner, cependant, il se frappa la poitrine et gémit sur le choix qu'il venait de faire. Oublieux des paroles du proclamateur qui l'en avait averti, il ne voulut pas reconnaître qu'il était lui-même responsable de ses maux, et il en blâma le hasard, les démons et tout sauf lui-même. Il faisait partie du groupe de ceux qui étaient descendus du ciel, ayant vécu sa vie antérieure dans une constitution politique bien ordonnée, où il avait pu participer à une vie vertueuse par la force de l'habitude, mais sans philosophie. Pour le dire en un mot, la plupart de ceux qui se laissaient prendre par le choix de ces situations étaient de ceux qui descendaient du ciel, du fait qu'ils n'avaient pas été habitués à une vie de souffrance. Au contraire, ceux qui émergeaient de la terre, parce qu'ils avaient souffert eux-mêmes et qu'ils avaient vu les autres souffrir, pour la plupart, ils ne se précipitaient pas pour faire leur choix. Pour cette raison, et aussi à cause du hasard de la distribution des sorts, il y avait pour la majorité des âmes une permutation des vies bonnes et des vies mauvaises. En dépit de tout cela, et si quelqu'un poursuit la vie philosophique d'une manière disciplinée quand il vit sa vie ici sur terre, et si le choix des sorts ne lui attribue pas la dernière place dans le choix des vies, alors, si on se fie à ce que R a rapporté du monde de l'au-delà, on peut affirmer que non seulement il mènera ici-bas une vie heureuse, mais que le voyage qui le conduira là-bas et ensuite le ramènera ici-bas ne se fera pas à travers le souterrain rempli d'aspérités, mais au contraire sur la voie douce du chemin céleste. Tomber du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive, sonnerie du réveil, tomber dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tomber du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Et on peut tomber plus mal. Tomber du ciel, chante Jacques Higelin. Après le texte, l'autre extrait donc du mythe d'Ère le Pamphylien dans la République de Platon, sur la voie douce du chemin céleste, les sorts tombent par terre, comme on peut peut-être tomber du ciel. C'est la même figuration des choses qui nous arrivent sans qu'on le décide vraiment, Anne Mercard. C'est la même ambiguïté. Oui, oui. Vous me disiez que c'est une chanson qui correspondrait davantage au mythe du Phèdre. Oui, peut-être au Phèdre. Enfin, c'est amusant, puisque dans le Phèdre, autre passage très plaisant où l'âme est représentée avec des petites plumes, hein. Donc, elle perd ses plumes et elle tombe, voilà. Alors là, elle n'a pas de plumes. Non, elle n'a pas de plumes. Mais, alors, on va y venir enfin à ce tyran dont vous nous parliez. Déjà, faut dire que le tyran, dans l'Antiquité, c'est une figure qui n'a pas du tout la même réputation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le tyran est quasiment enviable, en fait. Alors, si les âmes qui peuvent choisir vont choisir le tyran, c'est donc oui, bien oui, que mais, quelque chose de positif. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a un tyran qui sommeille en chacun et en chacune de nous. Donc je ne suis pas complètement sûre que nous ayons tellement changé par rapport à cela. Mais pour être un petit peu sérieuse, je vais dire cette phrase qui peut être parfois un peu agaçante, mais les choses sont complexes. Les choses sont complexes et la figure du tyran, d'une certaine manière, c'est un peu un héritage que nous a légué Platon, de la même manière qu'il nous a légué les sophistes, avec un modelage de cette figure-là. La figure du tyran, je ne veux pas faire d'érudition et de pédantisme historique, mais elle est effectivement complexe historiquement. Au départ, elle est plutôt du côté du peuple. Et le tyran peut tout à fait être la figure qui fait alliance avec le petit peuple pour, en quelque sorte, instaurer un ordre social qui va bouter l'aristocratie un peu hors des capacités. Forme de populisme, on dirait aujourd'hui. Bon, je n'aime tellement pas ce mot que je ne l'utiliserai pas non plus pour le tyran. Séduire le peuple pour le gouverner en évacuant les autres prétendants à ce poste. En tout cas, ça correspond effectivement à des frontières, à des luttes de rapports sociaux, ça certainement. Et donc le tyran n'est pas absolument une figure négative, et paradoxalement, même chez Platon, il n'est pas non plus une figure absolument négative. Il faut lire les lois. Dans les lois, il y a une figure du tyran qui n'est pas absolument négative. Néanmoins, le tyran, le travail que Platon fait sur la figure du tyran, qui est un travail à la fois politique et éthique, hein, il modèle une signification éthico-politique du tyran. Le tyran finit par être en quelque sorte le réceptacle de tous les fantasmes et les désirs du toujours plus et de la puissance absolue. Et c'est là que Platon est absolument génial dans le travail qu'il fait de cette figure, et la République est indépassable à mes yeux pour cela. Il y a tout un chapitre sur le tyran qui l'oppose au philosophe. Livre 9, etc. Et le tyran, c'est vraiment cette figure du toujours plus qui ne s'arrête jamais. Et cette recherche de puissance et de jouissance maximale ne peut s'arrêter que quand on a tout le monde sous sa domination. Donc vous voyez que la figure tyrannique, c'est aussi, même historiquement, une figure qui se renverse, étant éventuellement au départ au service d'une classe sociale inférieure, etc., plus ou moins exploitée ou pas forcément exploitée, mais elle peut se retourner contre ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir. Et ça devient une figure du un contre tous, donc une figure de la peur. Le tyran, c'est celui qui vit dans la peur. Et finalement, puisqu'il a évidemment, le tyran, s'il a la toute-puissance, il fait tous les autres ont envie de le renverser, pour être à sa place, ce qui, à leur tour, va leur valoir le même sort et le même enfer, surtout. Le même enfer. Et le tyran, en fait, c'est cette figure du malheur absolu, paradoxalement. Et c'est ça que cherche à montrer la République. Enfin, c'est le complément de ce que je vous disais tout à l'heure. On tourne toujours autour des mêmes choses. C'est-à-dire, soit en positif, on montre que la justice produit le bonheur, soit on montre en négatif que l'injustice absolue qui est incarnée dans le tyran produit le malheur absolu. Le tyran n'a pas d'amis, par exemple, puisqu'il ne peut avoir confiance en personne. Et qui, toutes ses relations sont des relations d'exploitation. Il est prisonnier, au fond. C'est la personne la moins libre possible. C'est la personne la moins libre. Mais ce que Platon nous dit encore ici, et ce qu'il pointe, une fois de plus, c'est l'ignorance dans laquelle nous sommes. Exactement. Et donc, la figure du tyran, à la fois à cette attraction extraordinaire, et Nietzsche, sur la base d'ailleurs de Platon, sur la base du Gorgias en particulier, écrit dans un petit fragment, ça doit être de l'année 1880, il écrit dans un petit fragment « Devenir tyran, c'est le rêve de tout jeune grec ». Alors parfois Nietzsche est critiqué en disant « mais il exagère, en fait c'est plutôt une thèse des sophistes ». Mais moi je trouve que Nietzsche peut exagérer, ça arrive à tout le monde, surtout à Nietzsche. Mais il est souvent très perspicace et très très pertinent. Et d'ailleurs, Il suffit de voir que Platon met en scène cette âme-là qui est la première à passer et qui se précipite pour choisir une vie de tyran. Et je voudrais juste terminer sur cette idée qu'il y a un petit tyran qui sommeille en chacun de nous. Je reviens à cette question de l'inversion du sommeil et de la veille. Il faut lire les premières pages du livre 9 de la République qui sont un bijou et qui parle des rêves que nous faisons quand nous nous endormons. Qu'est-ce qui s'endort en nous? Quand nous nous endormons, ça n'est pas tout qui s'endort. C'est la raison, pour le dire vite, le principe rationnel. Mais le reste, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le surmoi dort, le ça se réveille. Voilà. Alors, je ne veux pas utiliser les termes de Freud, mais c'est évident. C'est évident qu'il y a des parentés. Et Platon nous laisse bien entendre que c'est tout le monde, et il parle de rêve oedipien en particulier. Alors, c'est androcentré, évidemment. Bon, les femmes, on est toujours derrière, mais bon, admettons. La nécessité avec son fuseau, c'est oui, tout à fait. Mais pour les rêves dont il parle de rêve oedipien, on s'unit à sa mère, etc. Donc, il pense au rêve d'un homme, où on mange de la viande humaine, il n'y a rien dont on ne s'abstienne, dont on s'abstienne dans les rêves. Et qu'est-ce que c'est que le tyran, celui qui devient tyran dans la communauté humaine? C'est celui qui vit à l'état de veille, comme chacun d'entre nous est capable de vivre seulement à l'état endormi. Donc c'est celui qui réalise cette inversion du rêve et de la veille. Le tyran est une figure d'inversion, et c'est d'ailleurs aussi l'inverse du philosophe. La figure inversée. Et donc, le tyran porte au pouvoir tout ce qui émerge dans la nuit, dans l'obscurité. Tout cela, il le porte au pouvoir en plein jour, et il réalise cela. Et donc, il y a cette apparence désirable de l'extérieur que le tyran a tout pouvoir, mais finalement son pouvoir est un pouvoir autodestructeur qui se corrompt de l'intérieur. Il est le plus libre, mais finalement il est le moins libre. Il est le plus puissant, mais finalement il est le moins puissant, puisqu'il est dévoré par toutes ses passions. Quand on est dévoré, on ne fait en fait finalement pas grand-chose. C'est celui qui a le plus de pouvoir sur les hommes, mais il n'a aucun ami. Alors ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est terrible, parce que ce que nous dit Platon à cet endroit du texte, même dans tout ce mythe, c'est que même si nous avions la possibilité de nous réincarner dans la vie de notre choix, nous pourrions encore nous tromper. Oui. C'est qu'en fait, c'est pour ça que j'insiste sur l'ignorance, c'est qu'en fait, nous n'avons pas la connaissance suffisante pour choisir la vie bonne. Voilà. Et là, c'est là qu'on pourrait dire que Platon fait la promotion de la philosophie. De la philosophie, de sa boutique, de son métier, manière un petit peu péjorative, mais pas méchante. Et évidemment, en fait, le passage qui a été lu, là, maintenant, peut-être déjà un petit peu sorti de la mémoire des auditeurs, mais c'est un très beau passage où il y a beaucoup de choses. On voit que vraiment la question, c'est comment réussir à savoir ce qui est la vie véritablement heureuse, et pas seulement heureuse en apparence. Et si vous relisez, si on relit ces pages, là, on voit que Platon fait un contraste entre au moins trois modalités de savoir, entre guillemets. En fait, il n'y en a qu'un qui est un vrai savoir. Il y a une modalité qui est en fait le pathos en grec. De même qu'on dit en français « on apprend à ses dépens », on dit en grec « pathos matos », c'est-à-dire le pathos, ce qu'on subit, ça nous fait un apprentissage, quoi, voilà. Et donc, ces petites âmes qui étaient sous terre, là, elles ont souffert parce qu'elles viennent de payer tout ce qu'elles avaient fait de mal avant. Elles ont été écorchées, elles ont été rouées de coups, elles ont été traînées, dans la poussière, sur les ronces, etc., les choses horribles. Donc, elles sortent de la terre, donc le pathos, là, il est bien présent. Donc, celles-là, elles vont choisir un peu plus intelligemment. Mais en même temps, cette intelligence, entre guillemets, elle n'est pas vraiment fondée. Ouais. Elle n'est pas vraiment fondée. Et finalement, ça se rapproche un peu aussi des gens qui ont été vertueux simplement par habitude. Donc, deuxième modalité, c'est la simple habitude. Ils ont été bien éduqués dans une bonne cité, mais ils ne sont pas allés au fond des choses. C'est-à-dire, on leur a éduqués, on leur a dit « Ah, c'est pas beau de mentir, c'est pas beau d'être injuste, c'est pas beau de ne pas être fiable, etc. » Mais on leur a pas fondé ce savoir. Ça reste une habitude. C'est déjà pas mal. On ne va pas récuser ici totalement l'habitude. Et là, ses vertus, si je puis dire. Mais ça ne suffit pas. Ça reste fragile. il y a la fragilité. La fragilité, et c'est ce que dit Platon, c'est que finalement, comme ça n'a pas été solidifié par un fondement philosophique, bah, de manière un peu insouciante, tout d'un coup, elles peuvent choisir une vie qui est très mauvaise, mais elles se sont pas rendues compte. Et donc la seule voie possible, vous l'avez deviné, la seule voie possible, c'est la voie philosophique. C'est ce moment où Socrate, d'ailleurs, interrompt la narration pour dire « Il n'y a aucun savoir, aucun apprentissage plus important que de chercher ici et maintenant, en cette vie, la personne, c'est d'ailleurs étonnant, il dit bien la personne, un maître qui pourra nous apprendre à faire le meilleur choix. » Voilà, et évidemment, c'est le maître en philosophie. On sent bien qu'il y a la figure de Socrate pour Platon lui-même, etc. Et seule, finalement, une réflexion philosophique, dont on a d'ailleurs déjà tout le détail dans les 600 pages qui précèdent, seule une réflexion philosophique pourra fonder cette équation qui est faite par Platon, mais une équation pas analytique, mais vraiment synthétique au sens kantien, cette équation entre la vertu et le bonheur, la vertu est la source concrète du bonheur. Donc à la question « Sommes-nous responsables de notre destin ?» Que répondrait Platon ? Eh ben, il répond, je vais reprendre le Timée. Dont on parlait hier. Dont vous avez parlé hier. Et je dis toujours à mes étudiants, qui ne connaît pas le Timée ne connaît pas Platon. Il faut lire le Timée, même si je reconnais que ça peut paraître un peu difficile. Il dit très clairement, la responsabilité est à ceux qui éduquent, ceux qui ont éduqué. Alors, il faut pas se méprendre là-dessus. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que nous, on est aujourd'hui très pris dans cette opposition frontale entre le laxisme, ceux qui veulent faire qui sont accusés de tout miser sur la prévention mais qui comprennent rien, etc. Et puis la répression. La question, elle est pas là. La question, elle est pas là. Et Platon n'est pas du tout dans une attitude d'angélisme. C'est pas du tout l'homme est bon naturellement. C'est pas du tout ça. C'est en revanche le vivant désire atteindre son propre bien naturellement, ce qui peut être tout à fait son intérêt. Et ben la plus haute des connaissances à acquérir, c'est savoir qu'est-ce que véritablement le bien que tout le monde recherche. Le bien au sens de ce qui me fait du bien, qui est bénéfique. Et ça, est-on responsable de cette ignorance ou est-ce que ce sont simplement les maîtres, comme vous dites, et les éducateurs? Ce sont d'abord les maîtres et dans le Timée, Platon nul n'est méchant même... volontairement quand même, rappelez-vous. Même si le voilà, le voilà. Cette phrase-là, on la retrouve, on avait déjà fait l'émission ensemble sur ce thème. Voilà, évidemment que là, tout, on est dans les bases de ce très fort paradoxe socratique « Nul n'est méchant de plein gré ». Pourquoi? Parce qu'en fait, tout être vivant, ça peut s'appliquer aux animaux, mais restons aux êtres humains, aux animaux humains, si je puis dire, tout être vivant, humain, recherche son propre bien, et il faut juste qu'il sache cette vérité conquise philosophiquement et qui n'est pas facile à conquérir philosophiquement, à savoir que ce qui est bon pour moi, ce qui est bénéfique de manière intrinsèque, c'est la vertu, c'est la justice. Mais bonne, pas au sens que simplement les gens vont être, j'échapperai au châtiment. Bonne intrinsèquement, je reviens à cette idée d'harmonie intérieure, d'unité avec soi-même, de filia, d'amitié qu'on a envers soi-même, etc. Donc il faut lire Platon. Il faut toujours lire Platon. Aujourd'hui debout, mais demain, tout au fond d'un trou, tiens, tiens, tiens, tiens, sans l'âme et en psychose, tchiquetin, tchiquetin, oui, on serait pas grand chose, tchiquetin, tchiquetin, on serait pas grand chose, sur mon devenir. Ma réincarnation, je tiens à définir, oui, ma position, ma position. Je veux pas me réveiller un jour cochon, me retrouver dans un pigeon. Je veux pas bêler comme un mouton, ni glouglotter comme un dindon. La solution la plus radicale à ma réinsertion animale,

La gourmandise à l'excès, voilà un thème bien français. Une sorte de péché national dont on ne peut empêcher le caractère tragico-burlesque, comme dans le film culte La Grande Bouffe de Marco Ferreri, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de manger jusqu'à la mort. Ça te soulage, ça décongestionne, pousse, aide. Mmh. Oh là oh. Voilà du bon purée. De la bonne purée, c'est féminin. Ah oui, c'est pas de mon nom, Philippe. La funèbre farce n'est pas que drôle. Elle s'attaque au consumérisme et à la décadence de la bourgeoisie. De quoi nous faire méditer un peu. Merci beaucoup, chère Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Aziz Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Mathieu Tarpin, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette émission cette semaine, Jean-Guilain Mège qui était à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt et Georges Clès qui étaient à la lecture des textes platoniciens. On se retrouve demain pour un nouveau Profession Philosophe. Vous savez, chaque vendredi, on vous emmène à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe Barbara Cassin. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que cette série sur les mythes platoniciens, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Je vous donne également rendez-vous ce samedi 12 janvier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris où France Culture organise un forum sur le changement climatique. De 10h à 18h, on vous propose des débats et une masterclass pour comprendre ce phénomène. Quant à moi, je vous retrouve à 11h30 ce samedi, donc, depuis le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en compagnie de Cynthia Fleury, Dominique Bourg et Pierre-Henri Castel. Le débat sera enregistré et diffusé, évidemment, la semaine suivante. On se retrouve demain à 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.